France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au départ, j'étais zoologiste, disait Théodore Monod, mais en suivant les dunes, j'ai fini par récolter de tout, des fossiles, des plantes. Cela m'a conduit à devenir un peu botaniste, géologue, ethnologue, archéologue. En 1982, Théodore Monod accordait une série d'entretiens au chemin de la connaissance. Dans le deuxième d'entre eux, il évoquait ses expéditions au long cours dans le désert saharien qu'il explorait depuis plusieurs décennies. En 82, Théodore Monod était alors encore un jeune homme de 80 ans qui n'en avait pas encore fini avec le désert et les voyages aux quatre coins du monde. Ce n'est qu'en 1994, à 92 ans, qu'il devait descendre pour la dernière fois d'un chameau. Au fond, j'aurais été l'un des derniers voyageurs sahariens de la période chamelière, disait-il. Une secrète mélancolie s'attache aux choses qui meurent quand on les a beaucoup aimées. Hier matin, Théodore Monod nous a parlé de ses marques, d'où il vient. Aujourd'hui, nous le retrouvons et voyageons avec lui dans ce désert qu'il parcourt depuis près de 60 années. Après avoir consacré des années à l'étude de l'Adrar de Mauritanie, en particulier à l'étude de la structure géologique de l'Adrar, sur lequel j'ai publié un ouvrage en deux volumes, j'ai voulu participer à l'exploration d'une zone inconnue, d'une zone qui n'était pas... qui était une espèce de no man's land, comparable au no man's land qui existe dans le sud de l'Arabie, ce qu'on appelle le Rub al-Khali. Alors là, il y a un immense territoire qui a à peu près 1000 km de long sur 50 de large, à l'intérieur duquel il n'y a pas de point d'eau. Alors j'ai décidé d'essayer de traverser cette région, qui n'avait pas de nom d'ailleurs. J'ai repris un nom parce qu'il fallait quand même avoir un nom pour désigner ce no man's land. J'ai repris un nom qui se trouve dans un géographe arabe qui s'appelle El-Bakri, du Moyen-Âge, qui parlait de Majabat al-Kubra, c'est-à-dire la grande solitude. La grande solitude, parce qu'il disait qu'on traversait une région qui... il y avait je ne sais combien de jours sans eau, etc. Les caravanes avaient des difficultés. Et alors j'ai décidé d'essayer d'explorer cette région. Est-ce que c'est ce que j'appelle alors les navigations au long cours, les navigations hauturières, à chameau. En fait, ce genre de voyage se fait plus à pied qu'à chameau. Je me rappelle une expédition qui a couvert 700 kilomètres. Bien, sur les 700 kilomètres, je suis monté à chameau, je crois, pendant 2h30, quelque chose comme ça. Et je me rappelle que au retour de cette expédition, la veille du jour où nous avons retrouvé le point d'eau de départ, enfin, j'ai marché pendant 11 heures, je crois. Ce que j'appelle les expéditions au long cours, c'est les expéditions qui dépassent 500 km sans point d'eau. Jusqu'à 500 km sans puits, c'est à la portée de tout le monde, pratiquement. Mais au-delà de 500 km sans point d'eau, il faut commencer à prendre des précautions. Et la Majabat, quand je l'ai fait deux fois dans le sens de la longueur, c'est la distance de Paris à Berlin, sans rien. 1000 km. Sans un arbre, sans un oued, sans un caillou, uniquement du sable d'un bout à l'autre. Évidemment, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le néant. Le néant pendant 3 semaines. La première fois, j'ai mis 22 jours avant d'arriver à l'eau. Et la deuxième fois, je me suis perdu, j'ai mis 27 jours avant d'arriver à l'endroit que je cherchais. Alors, il faut des chameaux en bon état, parce que les chameaux peuvent vivre, c'est le contraire des hommes, si j'ose dire. Les chameaux peuvent vivre sans boire, mais ils ne peuvent pas vivre sans manger. Et en cours de route, dans ces expéditions au long cours, il faut songer toujours aux chameaux, les chameaux, parce que c'est le véhicule, c'est le canot de sauvetage, on peut tomber d'une caravane comme on peut tomber d'un... d'un canot en haute mer. Il faut que les chameaux continuent à marcher jusqu'au bout. Cette façon, Théodore Monod, de retourner au désert, comme l'on dit, est-ce que celle-là vous a apporté sur le plan de votre travail et sur le plan spirituel quelque chose de complémentaire? Parce qu'on a l'impression que vous y retournez tout le temps, alors que vous auriez pu continuer votre travail, peut-être vos recherches ailleurs. Eh bien, disons que la vie méhariste et chamelière est une école de patience d'abord, c'est aussi une démonstration extraordinaire de l'économie qu'on peut faire dans le domaine de la vie matérielle, et je m'explique. C'est là qu'on découvre que on peut vivre avec très peu de choses et se porter d'une façon remarquable et fournir des efforts physiques considérables avec une vie en fait austère et rude et même ascétique et qui n'est pas plaisante tous les jours. Ce sont des fatigues énormes, des froids rigoureux à l'occasion, des chaleurs accablantes, etc. C'est un mode de vie brutal et ascétique. Mais en même temps, c'est une vie qui est très saine physiquement, et comme vous le disiez, comme vous aviez l'air de l'imaginer aussi, saine à d'autres points de vue. C'est une vie désencombrée qui remet les choses à leur place. Et ici, dans la vie normale, dite civilisée, le moindre bobo vous précipite chez l'apothicaire. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Vous pouvez vous casser la jambe. Une fois que vous êtes à 500 km du dernier point d'eau, il n'y a pas d'apothicaire d'abord, à proximité. Et puis, il faut continuer. Au besoin, on vous attachera sur un chameau, mais on repartira le lendemain matin pour une étape de 40 km ou de 50 km. Il n'y a plus de pitié dans ces régions. Et je crois que c'est une découverte salutaire, parce que ça donne un sens de la hiérarchie des choses. Il y a le nécessaire, et puis il y a les normes superflues. Et alors je reviens aux chameaux, parce que je tiens beaucoup à ce qu'on redise que les chameaux ont besoin de manger pour continuer à vivre. Et dans ces expéditions qui couvrent entre 800 et 900 km sans point d'eau, il faut que les chameaux arrivent au bout. Et alors, si on trouve quelque chose en cours de route, ne fût-ce qu'une dizaine de touffes de had, c'est une plante épineuse bleuâtre, d'ailleurs très jolie, de couleur, que les chameaux aiment beaucoup. Si on trouve quelques touffes de cette plante, eh bien on s'arrête pour la manger. On fera le thé peut-être pendant ce temps, mais on laissera les chameaux la brouter, ces quelques touffes. Parce qu'on ne sait pas si le lendemain on leur trouvera quelque chose. Il faut arriver de l'autre côté. Alors c'est ce que j'appelle le conflit de la bouche et du pied. C'est-à-dire savoir s'arrêter pour donner à manger aux bêtes, aux animaux, et également ne pas trop s'arrêter parce que le temps passe et le puits est encore très loin, à plusieurs semaines peut-être de distance. Alors l'eau, c'est l'eau pour l'homme. Je vous ai dit que l'homme pouvait vivre sans manger, mais il ne pouvait pas vivre sans boire. On emporte de l'eau sous deux formes, dans des gerbas, c'est-à-dire des outres, des peaux de bouc. Je ne sais pas pourquoi on dit des peaux de bouc, ça peut être aussi bien des peaux de chèvre, après tout. On n'a pas demandé au bouc spécialement de fournir un récipient. Le sexe de la peau. Oui. À la fois dans des peaux de bouc et dans des tonnelets. Alors, je signale, et je ne l'ai pas encore dit, mais il faut le dire, ces grandes expéditions... La formule que j'ai trouvée, et que j'estime être la bonne, c'est 3 êtres humains et 5 chameaux. 3 êtres humains, c'est le géographe ou le chercheur, plus 2 bédouins. Mais pas n'importe quel bédouin, je ne prendrai pas pour des expéditions comme ça. Un jardinier dans une palmeraie, parce qu'il n'est jamais sorti de sa palmeraie. Et alors les deux... D'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois les mêmes compagnons pour les grandes expéditions. J'avais deux bédouins un peu attitrés, un Regaibi. Les Regaibi appartiennent la dernière très grande tribu chamelière du Sahara occidental. D'ailleurs, ce sont les Regaïbat qui actuellement sont les plus efficaces soutiens du Polisario dans le Sahara occidental. Et un autre qui était appartenait à la tribu de Kedadra, qui sont des chasseurs d'antilopes. Alors, trois hommes et cinq chameaux. Alors, parmi ces cinq chameaux, trois montures, chameaux de sel, et deux chameaux de bât. Chacun de ces chameaux de bât portant deux tonnelets métalliques, contenant 45 litres d'eau, par exemple. Alors, ça fait une réserve de sécurité. Et alors, le jeu, c'est de vivre sur les gerbas le plus longtemps possible avant de toucher la réserve qui est dans les tonnelets. Mais les gerbas, ce sont des objets vraiment extraordinairement capricieux. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a des poreuses, il y en a qui se vident sans qu'on y touche, sans qu'on prenne de l'eau à l'intérieur, par évaporation. Le soir, il ne faut pas les poser directement sur le sable, pour que le sable ne pompe pas l'eau à travers la peau de bouc ou de chèvre. Mais les tonnelets, c'est quand on met 45 litres d'eau dans un tonnelet, s'il est bien fermé, et trois semaines après, il y aura encore 45 litres d'eau dans le tonnelet. Alors ça, c'est extraordinairement important. Alors, je n'ai jamais pu dépasser, je crois, 15 jours avant de toucher au tonnelet. Mais 15 jours, je vous ai dit que les plus longs trajets que j'ai faits sous cette forme-là, c'était 27 jours. Ben 15 jours, c'est déjà plus de la moitié. Alors, avec 200 litres d'eau. Mais sauvé. 200 litres d'eau, on a de quoi voir venir. Et tacitement, on décide de ne pas boire, comme ça directement de l'eau dans les gerbas si on a soif. Mais on fait le thé. On fait le thé trois fois, au minimum trois fois par jour. Le premier thé, c'est le matin, il fait encore nuit, avant qu'on aille chercher les chameaux pour lever le camp. Le deuxième service, c'est à l'arrivée au camp dans l'après-midi, l'endroit où on décide de s'arrêter. Et puis le troisième thé, c'est déjà la nuit, c'est avant de s'endormir, vers 9h du soir par exemple. Et bien, trois fois trois petits verres de 90 cm cubes, vous voyez que ça ne fait pas énormément. Ça, c'est suffisant pour être en bonne santé. Mais ce n'est pas suffisant pour être heureux. Étant entendu, naturellement, que nous sommes en hiver. Nous sommes en janvier, nous sommes en décembre, il a fait 5 degrés, il a fait 0 degré tout juste la nuit, etc. Mais il y a du vent, il y a du soleil, enfin on évapore beaucoup. Mais enfin, ça doit suffire. Et alors si on ajoute l'eau nécessaire pour cuire le riz le soir, j'estime que 2,5 litres par jour et par homme, cuisine comprise, si on peut appeler ça de la cuisine, ça doit pouvoir suffire. Alors, vous voyez qu'avec 15 jours de gerba, plus 200 litres en tonnelet, eh bien, trois hommes ont une autonomie extraordinaire, une autonomie de probablement de 5 à 6 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance qui ne puisse être parcourue à ces conditions-là. Alors voilà, on marche indéfiniment. C'est un effort physique, c'est aussi un effort psychologique à certains égards, parce que les Bédouins ont tendance à se démoraliser, c'est sur des régions qu'ils ne connaissent pas. Personne n'y va depuis très longtemps, depuis des siècles probablement. Et alors ils n'ont aucune raison d'y aller, eux. Il n'y a pas de pâturage, ils ne peuvent pas y conduire leurs troupeaux, il n'y a pas de campement, il n'y a pas de galanterie éventuelle à espérer, enfin je veux dire... C'est pour eux, ils se demandent vraiment pourquoi ces gens bizarres veulent aller voir des régions où il n'y a pratiquement rien et où on se gouverne, on se conduit avec une boussole. D'ailleurs, j'avais appris à un des Bédouins, le Regaïbi, justement, à se servir d'une boussole, enfin à conserver un cap. Mais ce sont des gens extraordinaires au point de vue des possibilités de s'orienter une fois qu'ils savent dans quelle direction il faut marcher. Par exemple, le matin, vous dites à un Bédouin, le matin, vous marchez par exemple à l'est ou au sud-est, vous lui dites, aujourd'hui nous allons marcher à deux doigts à gauche du soleil. Dis bon. Et bien, toute la journée, il conservera le même cap. D'abord le soleil, lui, il se sera promené toute la journée, le soir, on l'aura dans le dos. Et puis, dans la route, si on passe un bras de dune, on fait des détours, etc. Mais à la sortie de la dune, il reprend imperturbablement l'orientation qu'on lui a donnée le matin. C'est assez extraordinaire. Il y a aussi autre chose, il y a aussi le fait que les vents dominants dans ces régions-là sont tout à fait constants. La direction des vents dominants est tout à fait constante. C'est pratiquement le nord-est. Je ne veux pas dire que jamais le vent ne souffle d'une autre... notre secteur, bien entendu. Mais enfin, en gros, le vent souffle du nord-est. Or, comme on sait que le vent trace des lignes, il y a des lignes, un obstacle, une crotte de chameau, un gravier plus gros que les autres, immédiatement derrière cet obstacle, il y a un petit trait, une petite flèche de sable. Et à partir du moment où vous savez sous quel angle il faut recouper ces flèches qui sont tracées par le vent, eh bien vous avez la possibilité de suivre sur le sol une direction que vous désirez conserver. Alors c'est un des éléments quand même de possibilité de marcher droit. Il faut marcher droit dans les déserts, autant que possible. Et c'est ce qui ne m'est pas arrivé la fois où je me suis perdu. Je me rappelle, une fin d'après-midi, je m'apercevais à la végétation. Je voyais apparaître des plantes qui n'étaient plus celles de la Majabat el Kubra. Et je sentais que nous étions en train de nous infléchir vers le sud, c'est-à-dire vers la région de Tombouctou, vers les pâturages de l'Azawad, où nous n'avions absolument rien à faire. Et alors je me rappelle qu'une fin d'après-midi, on s'est arrêté près d'une petite dune. Il y avait un petit pâturage, une plante qu'on appelle tazillet. Et j'ai dit, écoutez, on aurait dû trouver Arawan, nous allions au puits d'Arawan. On aurait dû trouver au puits d'Arawan, nous sommes en train de dépasser Arawan, c'est absurde. Bon, on s'arrête. Et puis demain, toi, tu vas, mais de Bédouin, toi, tu vas partir vers le nord, toi, tu vas partir vers l'est, etc. Tu marcheras toute la journée, puis le soir, tu viendras me dire si tu as vu quelque chose, une crotte de chameau, des traces de moutons, enfin, quelque chose, une trace. Bon. Alors, on baraque, on installe le camp pour la nuit. C'est pas compliqué, l'installation du camp. Il n'y a pas de tente, naturellement. On couche en plein air et on couche à l'abri de la selle. La selle mort est une selle qui n'est pas comme la selle touareg. On peut la basculer sur le sol et ça constitue un abri contre le vent pour la nuit. Alors on fait le camp, et puis un des bédouins me dit, prête-moi tes jumelles. Alors je lui prête mes jumelles, il monte sur la dune, il s'accroupit, ils aiment bien s'accroupir au sommet de quelque chose, et puis regarder l'horizon, regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et puis un moment après, il m'appelle, il me dit, il y a des chameaux là à l'ouest. Et c'était vrai, il y avait des chameaux à l'ouest, c'était une petite caravane. On va les voir, on les ramène au camp, on mange avec eux naturellement, ils passent la nuit avec nous. Eh bien c'était une petite caravane de la tribu des Berabiches qui venait de l'endroit que je cherchais. Il a suffi le lendemain de reprendre les traces de ces braves gens, mais il a fallu un jour et demi. J'étais à 65 kilomètres, je crois, du but, alors que la première fois... Quand je n'ai mis que 22 jours pour traverser cette immensité, j'étais arrivé à 25 km du but, ce qui était pas mal au bout de la distance de Paris à Berlin en ligne droite. D'entendre le deuxième volet d'une série de 5 entretiens avec Théodore Monod par Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 23 février 1982. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.